S9-4. Deuxième projet. Pour ceux qui parlent, c'est comme un putain de crochet. Ah. À l'instant. Depuis l'époque des terrasses, je suis présent. Depuis l'époque du rap game, je suis oppressant. Fumigène toxique. Et ouais, je suis trop récent. 16 mesures qui ressortent d'une salle décente. Écoute la grandeur de ma fable blessante. Le B, le E, le S excelle dans la case défonce. Des coffres, le seum, qu'on se mette bien. C'est à l'instinct, ça bute, ça colle. Ça bute, ça cogne sec. MC, t'es comme un diable glaçon, j'en tirais cul sec. Une vie de dingue, une putain de vie de dingue. Merde, mon rap pèse 600 kilos d'or pur dans ce monde de bâtards. C'est un vrai sur 2000 ordures. Je connais des filles bien et des filles sales. Tu me retrouveras dans le coin si faut relever un défi sale. Passe-moi le mic que je fasse la différence. Crache mes punchlines, te laisse en carreau avec indifférence. Ça joue les shows avec leurs minettes. On sait très bien que l'été ça va pécho les canettes. Y'a pas de surhomme, on vient tous de la même planète. Moi je suis qu'un homme qui fait partie des mecs pas nets. BES 9-4. Deuxième projet. Pour ceux qui parlent, c'est comme un putain de crochet.